les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Son érotisme, dans une œuvre traversée de part en part par la sexualité, pas le moindre coït, pas la moindre scène érotique au sens propre du terme. Ce qui préoccupait réellement Witold Gombrowicz, c'était le désir. Witold Gombrowicz, l'un des plus grands stylistes polonais, qui avait l'oreille de la langue, qui savait écrire des pastiches de la grande littérature lyrique polonaise. Witold Gombrowicz, l'auteur de Ferdydurk, et ce qui l'intéressait, c'était l'immaturité. C'est l'immature qui fait la grâce de la vie. Nuit magnétique, Witold Gombrowicz par Didier Cahen, réalisation Pamela Dousseau, première diffusion sur France Culture le 7 mars 1984. Bonsoir, futur antérieur Witold Gombrowicz. Que ces choses-là peut-être ne sont pas tellement évidentes dans ma littérature, que je suis un amoureux. C'est-à-dire que si je m'occupe de ces choses-là, c'est par un certain attrait. Je suis dans le monde du charme, de la grâce, de la beauté, du drame, de la passion. Sera né trois fois. 1904, première naissance de Witold Gombrowicz dans une maison très respectable, dit-il avec humour et ironie, au sud de Varsovie. 1939, l'arrivée en Argentine. C'est la coupure avec la forme polonaise, avec l'héritage légué ou imposé par la famille et la patrie, une nouvelle ou une autre naissance. 1963, la venue à Paris et la naissance de la légende ou du mythe Gombrowicz. Peut-être faut-il repartir de là. Sa nationalité polonaise et ses prises de position à l'égard de son pays, l'exil argentin pendant 24 ans et la dégradation qui l'accompagne, pour Gombrowicz en fait l'accomplissement, sa surexposition permanente dans ses romans, Ferdydurk ou Transatlantique par exemple, dans ses pièces de théâtre, dans son journal, mais aussi dans sa vie, les polémiques avec ses contemporains, la reconnaissance internationale tardive, la mort prématurée en 1969... Tout concourt à l'enfermer dans des clichés. Philosophe autant qu'écrivain, anti-polonais farouche, informaliste existentialiste, le chantre de la jeunesse. Contre le mythe et la méconnaissance, il s'agira ce soir de donner sa chance à l'iconoclaste qui s'est exposé pour échapper à l'unicité d'une forme Gombrowicz, à l'écrivain dont le souci permanent fut le plaisir d'écrire et le plaisir du lecteur. À l'artiste encore, c'est Gombrowicz qui se désigne ainsi, chez qui la pensée se noue sans se figer au fil de l'écriture et pour qui les motifs obsessionnels, forme, immaturité, jeunesse, polonité, n'ont jamais engendré système, dogme ou théorie, mais la seule force vitale toujours remise à l'œuvre. <t'-> livres résultent en quelque sorte de ma vie. Mais ma vie s'est en grande partie formée à partir d'eux et grâce à eux. Récits, évocations, approches de Michel Bernard, Rita Gombrowicz, Constantin Jelensky, Georges Lavelli, Marcelin Plenet, Severo Sarduy et Witold Gombrowicz. Il avait une sensibilité absolument à vif et en même temps une intelligence et une lucidité absolue. Constantin Jelensky. Et si vous voulez, je crois qu'il trouvait toujours extrêmement difficile une communication dite spontanée. Il trouvait au fond que, comme la spontanéité est impossible, le naturel ce n'est qu'une pose du naturel, mieux vaut se choisir des modèles, et on peut au fond atteindre à une communication plus libre à travers cette espèce de stylisation. Et enfin, mon propre rapport avec Gombrowicz est complètement stylisé si vous voulez, sur un rapport comme ça de vieux hobereau gâteux. Mais enfin, vous savez, du moment qu'on choisit un style, on peut tout faire passer, nous ne sommes jamais ennuyés l'un avec l'autre. Et puis, enfin, bon, je veux dire, il en a fait toute une philosophie de la forme, mais il faut aussi se souvenir que la chose qui l'a tiré le plus, c'est quand même le contraire de la forme, c'est-à-dire c'est l'immaturité, c'est le jeune, c'est le vert, tout ce qui n'a pas atteint la forme, c'est ça qui le fascinait. Bon, enfin, il trouvait que comme il faut choisir une forme, autant le faire de la façon la plus précise et la plus pensée. Et en particulier, il dénonce cette forme qui est imposée de l'extérieur, j'ai l'impression. La forme qui est imposée de l'extérieur était pour lui l'idiotie ambiante. Je veux dire, c'est ça qu'il refusait en premier lieu. C'est-à-dire, il refusait en premier lieu toutes les formes. Enfin, il y a ces pages magnifiques du début de Faire des Durques où toutes ses tantes veulent absolument qu'il soit quelque chose, n'est-ce pas? Enfin, alors tout le monde, toutes ses tantes lui disent, mais enfin, travaille, soit gentilhomme campagnard, ou soit médecin, ou choisis une carrière, ou soit avocat, etc. Et si tu ne veux pas travailler, soit un homme à femme, soit un éleveur de chevaux, soit un joueur, mais soit quelque chose, soit un bridgiste. L'étiquette était absolument nécessaire à ces pauvres tantes, les tentes étant une sorte d'image de la société. Donc cette forme contre laquelle il lutte, c'est aussi ce qui l'empêche d'être lui-même. Non seulement d'être lui-même, mais d'être tous les moi contradictoires qu'il portait en lui-même. C'est-à-dire de ne jamais être emprisonné, même lui-même, par une forme. Parce qu'on peut s'imposer, une forme par une espèce de fidélité à une image qu'on a de soi. Gombrowicz ne l'avait jamais. Il variait au gré de son intelligence, au gré de ses expériences, au gré de son caprice presque. Et au gré de ses rencontres. Et au gré de ses rencontres. Est-ce qu'on peut dire donc que finalement, plus que la forme encore, c'est le former ou l'achever qu'il combat? Il y a chez lui une espèce de paradoxe, c'est-à-dire il demande une sorte de maturité et une sorte de forme de l'homme mûr. Je crois qu'il en donne lui-même l'exemple par sa propre vie et par sa propre œuvre, si vous voulez. D'ailleurs, là, le livre que lui a consacré Rita Gombrowicz est extrêmement riche d'enseignements, puisqu'on voit que la chose qui le préoccupe le plus, c'est de ressembler à son œuvre, ou alors que son œuvre lui ressemble, ce qui revient au même. Il ne combattait pas l'achèvement, puisque je crois qu'il le sentait inéluctable. Il y a d'ailleurs une très belle dernière interview qu'il a donnée. Il a dit, voilà, me voilà moi, n'est-ce pas, qui est toujours échappé, qui n'ai jamais voulu qu'on me fasse une gueule, toute ma vie je me suis comporté pour rejeter tout masque qui m'était affublé, mais voilà moi dans une espèce de masque d'écrivain reconnu, de José. Si j'avais plus de force, il faudrait peut-être briser tout ça, mettre une autre bombe, mais il est trop tard. Extrait de Testament, entretien avec Dominique de Roux, Vence, 1968. Vous savez, Dominique, je peux dire non sans un malin plaisir à mes majestueux confrères en la plume qui écrivent pour l'humanité et au nom de l'humanité, que je n'ai jamais écrit un seul mot dans un autre but qu'égoïste, mais à chaque fois, l'œuvre me trahissait et se séparait de moi. C'est ce qui s'est passé avec Ferdi Dürck. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Essayons de répondre le plus simplement possible. Pourquoi une œuvre née de blessures personnelles m'a-t-elle entraîné dans une aventure aussi universelle que le drame de la forme humaine, que la lutte féroce de l'homme avec sa propre forme, c'est-à-dire avec sa façon d'être, de sentir, de penser, de parler, d'agir, avec sa culture, ses idées et ses idéologies, ses convictions, ses credos, avec tout ce par quoi il se manifeste à l'extérieur. Ferdi Dürck devait défendre ma personnalité, mais laquelle de mes personnalités multiples ? Rita Gombrowicz. On m'a raconté qu'avant la guerre en Pologne, il écrivait couché. Mais ce n'était pas du tout le cas quand il était avant, c'est même en Argentine. Il écrivait normalement. Il disait toujours qu'il écrivait comme un petit collier à l'école. Il se mettait à sa place à sa table de travail et il écrivait tranquillement. Seulement, il avait toujours honte de qu'on voie ses papiers. Jamais il ne lisait à haute voix ses textes, il les cachait plutôt. Et il écrivait avec des stylos, avec de l'encre. Il n'aimait pas les bics, mais si vous voulez, il travaillait régulièrement de 9h à midi et il retravaillait l'après-midi jusqu'au soir. Et un jour que je marchais sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit, il m'a dit « Ce n'est pas une église ici, tu peux marcher normalement. Il n'y a pas de mystère. » Donc il montrait peu volontiers ses textes avant qu'ils soient terminés. En fait. C'est-à-dire, bon, évidemment, ses textes étaient en polonais, mais quelquefois je lui demandais de me lire, il me disait que non, que c'était qu'il avait honte. Ah, qu'il avait honte. Qu'il avait honte. Et quand il était jeune, il cachait toujours ses papiers. Et c'était ce rapport de honte, comme on dit, hein, c'était un rapport qui tenait au texte qu'il était en train de faire ou par rapport à son œuvre en général? Non, c'est par rapport à l'écriture, qu'il considérait comme une chose un petit peu anormale, à vrai dire. C'était un homme très pudique. Par exemple, quand il voyait des écrivains lire comme ça, enthousiastes, leurs propres œuvres, il ne pouvait pas tolérer ça. Toute son œuvre forme un tout, mais il a d'abord écrit des contes, qui s'appelait, enfin les 7 premiers contes ont été publiés sous le titre « Les mémoires du temps de l'immaturité ». Et comme il avait employé le mot « immaturité », alors les critiques ont été très mauvaises, disant que ce pauvre petit jeune était encore très immature. Et à la suite de ces critiques, il disait qu'on lui avait dansé sur le visage, ça l'avait beaucoup blessé, et c'est de cette blessure personnelle qu'est né Ferdi Dourc. Et Ferdi Dourc, au début, c'était plutôt un pamphlet. Et c'est devenu un roman, mais c'est toujours resté un roman pamphlet. Et ensuite, il a écrit Yvonne, une pièce de théâtre. Donc déjà, il avait touché à trois genres qu'il a continué par la suite. Quand Gombrowicz a publié ce qui en France s'appelle Bakakai, c'est-à-dire les mémoires d'immaturité, son premier recueil de nouvelles, n'est-ce pas ? Alors des critiques enfin, très célèbres polonais ont quand même accueilli ce livre avec intérêt, n'est-ce pas ? Mais on disait... Oui, il y a bien sûr un très grand talent, c'est très original, etc. Mais il y a une sorte d'immaturité dans ce livre. Il a écrit Ferdi Dourc un peu par réaction à ça. Vous me voyez comme immature, eh bien voilà. Oui, je suis immature, et voilà ce que c'est, voilà ce qu'est la vie. J'ai lu Ferdi Dourc à sa sortie, quand j'avais 15 ans. En 1936, j'avais 15 ans et j'ai lu Ferdi Dourc. J'ai lu Ferdi Dourc d'ailleurs d'une façon tout à fait assez jolie parce que c'était du pur hasard. Mes parents étaient des gens intellectuels qui connaissaient tous les écrivains polonais qui comptaient, etc. Mais enfin, ils n'avaient aucune idée que Gombrowicz existait. Ça, c'était tout à fait en marge de leurs amis, de ce qu'ils connaissaient, etc., etc. Mais par contre, nous avions des relations familiales avec les Gombrowicz. Et ma tante, la sœur de ma mère, était vice-présidente des jeunes femmes nobles polonaises et dont l'autre vice-présidente était la sœur de Witold Gombrowicz. Et un jour, cette tante, d'ailleurs je les voyais très souvent, je voyais la sœur de Witold assez souvent chez nous à la campagne, enfin à la campagne chez ma grand-mère, elle jouait au tennis, vous savez, avec ses petits bandeaux à la Suzanne Langlin, avec des forehands et des backhands comme ça, extrêmement fluents. Et elle m'a donné ce livre, je passais pour être un grand lecteur dans la famille, ce qui était d'ailleurs parfaitement vrai. J'ai énormément lu, enfin les trois quarts des choses que j'ai lues, je les ai lues alors. Et elle m'a dit, bon, je voudrais beaucoup que tu lises ce livre, parce que Rena, c'était la sœur de Witold Gombrowicz, croit, et sa famille croit qu'il est devenu fou. Alors dis-nous ce que tu en penses. J'ai lu ce livre, et vous comprenez, pour moi c'était pas du tout un livre. C'était comme une lettre que quelqu'un m'adressait, parce que voilà ce qu'il y a. Bon, bien entendu qu'il y a de grands livres, mais pour qu'un grand livre transforme la vie d'un garçon de 15 ans, il faut quand même une maturité extraordinaire, il faut un sens de transposition. Or, ce livre collait parfaitement à ma vie. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, pas du tout. Bon, ben, j'avais l'impression d'être un peu paumé. C'est-à-dire que, autour de moi, des gens devaient avoir une sorte de clé à toute cette espèce de choses absurdes qui se passent autour de moi. Moi, je ne l'ai pas, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est ? Et ce livre, je vous assure, m'a donné cette clé. J'en suis sorti, mais gonflé à bloc, renforcé. Les gens ne m'ont pas reconnu à l'école. Et vraiment, ça a changé mon existence. Et je lui ai su gré toute ma vie à Gombrowicz, n'est-ce pas ? Tant que vous verrez dans Ferdi Dourc un combat contre les conventions, il trottera, paisible coursier, sur des sentiers battus. Mais sitôt que vous aurez saisi que dans ce livre, il y a la création de l'homme par un autre homme, dans les convulsions de la plus sauvage des étreintes, alors il s'élancera en hennissant sous la piqûre de l'éperon et vous emportera au pays de l'incalculable. Ferdi Dourc est bien plutôt une forme énergie qu'une forme convention. Est-ce qu'on peut essayer justement de parler un petit peu plus dans le détail de ce premier livre de Gombrowicz, ce premier roman, ce second livre qu'est Ferdi Dourc donc, et qu'il présentait lui-même comme une parodie de la Divine Comédie? Ça commence un peu comme la Divine Comédie, mais bien entendu la selva scura de Dante devient la verte forêt de la jeunesse, la lupa et la panthère ce sont des tentes de campagne. Etc. Mais enfin, c'est en effet une sorte de voyage initiatique, ça c'est absolument certain. C'est une sorte de voyage initiatique où lui, le héros, est transformé en enfant, en jeune garçon. Il est forcé de retourner à l'école par les critiques, par les tentes littéraires, par son monde culturel, etc. On le remet à l'école et ce sont ses aventures avec l'école d'abord, ensuite avec son monde, si vous voulez, qui était exactement le mien, c'est-à-dire le monde des propriétaires terriens polonais avec leur absurdité, fausse bonhomie, incroyable bonne conscience, insensée. Et puis le monde urbain, disons justement le monde progressiste de gauche, qui était le monde littéraire dans lequel il est évalué un peu à Varsovie. Et il renvoie tout dos à dos, n'est-ce pas, je veux dire, c'est avec une espèce d'humour, de joie, de folie, de méchanceté, d'invention absolument folle. Si je devais trouver un ancêtre à Gombrowicz, eh bien je le trouverais chez un autre grand exilé. Marcelin Plénet. Je le trouverais chez un autre grand exilé, à qui on ne pense pas toujours d'ailleurs comme étant exilé. Je le trouverais chez Lautréamont, qui a curieusement fait une partie du parcours de Gombrowicz, n'est-ce pas ? Qui est né à Montevideo et qui est venu s'exiler et mourir en France. Et je pense que si l'on regarde tout le caractère spécifiquement de traitement formel chez Gombrowicz, et justement du rôle, du contenu et de la forme, et de la façon dont il s'évacue réciproquement, pour ne laisser que cette présence et que cet acte qui fait qu'évidemment tout le soubassement de l'affaire est sexuel. Eh bien, on le trouve chez Lautréamont. D'ailleurs, Ferdinand, qui est composé de petits romans de 30 pages, n'est-ce pas ? Est composé de petits récits et de petites nouvelles de 30 pages. Et je pense que, aussi bien dans le caractère d'humour sérieux, qui est celui de Gombrowicz, que dans le caractère d'utilisation des formes par rapport au contenu, qui est aussi un type de fonctionnement de l'humour sérieux, on retrouve très très proche, quelqu'un qui est né pas très loin de là où il vivait, à Montevideo, on retrouve la présence de Lautréamont. Je crois qu'il y a un mouvement aussi très caractéristique chez Gombrowicz et qui peut-être nous en dit long sur la forme, en quelque sorte, qu'il privilégiait, parce que même s'il combat la forme, ses romans ont une forme même très affirmée. Je crois qu'on peut prendre donc l'exemple de Philifort cousu d'enfant, qui est un des contes qui appartient à l'ensemble Bagakai, mais qu'il reprend justement dans Ferdidurk, et qui met aux prises Philifort, qui est le prince de la synthèse, et Anti-Philifort, qui est lui le prince de l'analyse. Dans ce parallélisme, il me semble qu'il y a une marque caractéristique justement des structures de romans de Gombrowicz. Il y a, si cette affirmation quelque part se nie elle-même, n'est-ce pas ? La fin du conte, d'ailleurs, est tout à fait explicite de ce point de vue-là. Chacun repart de son côté, il n'y a strictement plus rien à faire. La structure de l'œuvre de Gombrowicz participe d'une logique qui n'est que de Gombrowicz. Bien sûr, comme tous les romans de Gombrowicz, il se met en scène. Je crois qu'on peut dire sans problème que Joseph, le narrateur, c'est lui, c'est Gombrowicz. Oui, mais ça, il n'y en a absolument aucun doute. Bien que, si vous voulez, enfin, il y a cette chose qui se répétera ensuite dans tous les romans de Gombrowicz, tous, c'est qu'il y a le double, n'est-ce pas ? Il y a le doppelganger. Et le double a un rôle très, très, très, très différent. Je crois qu'à l'origine, peut-être, comme quand même, si vous voulez, cette écriture est extrêmement une écriture autobiographique et de journal, etc. D'ailleurs, enfin, dans un certain sens, le journal est un roman, et les romans sont des journaux chez Gombrowicz. Mais il a toujours choisi un double pour représenter ce qu'il avait de plus personnel, de plus poussé, de plus pervers. Et lui, le narrateur, c'est Gombrowicz, mais c'est le Gombrowicz tiède. C'est le Gombrowicz tiède, c'est le Gombrowicz qui, au fond, évite les tensions, qui est pour le relâchement général des choses, qui est plutôt optimiste, comme ça, veulent. C'est ça le narrateur. Et à côté du narrateur, il y a un personnage assez diabolique. C'est Mientus, en tout cas. Mientus n'est pas diabolique, mais enfin, c'est là le Gombrowicz érotique profond. Peut-être que Mientus dans Ferdidurk, n'est-ce pas ? Et Gonzalo dans Transatlantique, et Fuchs dans Pornographie, et dans Cosmos, le double le plus étonnant, ce n'est pas Fuchs, c'est Léon. N'est-ce pas, c'est le vieux gâteux qui célèbre ces curieuses cérémonies, cette espèce de vieux retraité, de vieux fonctionnaire retraité qui devient une espèce de Prospero noir, n'est-ce pas, sur cette île qu'est Cosmos. ... Gombrowicz disait toujours, c'est d'ailleurs l'une de ces choses, il était toujours entre, n'est-ce pas, entre. Et ce concept d'être entre était pour lui très, très, très, très, très crucial, n'est-ce pas. Alors bon, je veux dire, son milieu, c'était exactement le mien. C'est-à-dire, c'était le milieu d'une noblesse terrienne polonaise qui n'était pas l'aristocratie, qui est toute petite en Pologne, qui n'est plus tellement liée avec les pauvres voisins, enfin, les petits nobles, etc. Et un tout petit peu en porte-à-faux. C'est-à-dire... un milieu sans grande existence, lorgnant toujours vers l'ouest, voyageant à l'étranger, une chose un peu amorphe, voilà. C'était ça un peu le milieu. Mais finalement, après, si vous relisez ces dernières années, enfin, il a bien revendiqué ce milieu, parce que ce milieu aussi pour lui posait, avait pour lui certaines... D'ailleurs, il le dit un jour, il le dit dans Testament, il le dit, ce que je vais montrer... C'est que le personnage apparemment le plus anachronique et le plus absurde, c'est-à-dire un gentilhomme campagnard polonais, peut être l'être le plus moderne du monde. Il suffit qu'il pense d'une façon absolument moderne. On peut dire que les lectures les plus importantes qu'il a faites, les lectures qui l'ont influencé, ont été faites avant la guerre et qu'il a vécu ensuite sur cet acquis. Parce qu'il a beaucoup lu avant la guerre, il a lu même très jeune. Par exemple, prenons la philosophie, il a lu Kant à 15 ans. Et il lui en est resté toujours ce goût pour la philosophie. Ensuite, il a lu Shakespeare très jeune aussi, et Shakespeare a été le grand auteur de sa vie, qui lui a servi à la fois de modèle pour certaines œuvres, par exemple Le mariage, c'est Hamlet, dans sa structure surtout. Il connaissait par cœur Shakespeare, et même il jouait à un jeu avec son cousin. Son cousin devait lui faire le début de la citation, et Gombrowicz était capable de toujours terminer la citation. Donc Shakespeare a été extrêmement important. Ensuite, parmi les Russes, il y avait Dostoïevski, surtout les possédés. Et parmi les Allemands, il y avait Thomas Mann. C'était le grand auteur de sa vie. Toujours, il a vécu en lisant Thomas Mann. Il aimait son œuvre artistique, mais il s'intéressait aux personnages dans cette problématique avec la gloire, parce que Thomas Mann était un auteur choyé, un auteur qui a eu du succès, et Gombrowicz non. Alors, ça l'intéressait comment Mann avait réussi à intégrer, si vous voulez, dans sa vie, son œuvre, ce problème de la gloire. Et il disait lui-même à la fin de sa vie que ça, lui-même, ne l'avait pas réussi. Il faut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'habituer à la gloire. Vence 1968, Witold Gombrowicz. Être muet absolument, cela signifie, à vrai dire, être Dieu. C'est impossible pour un humain, n'est-ce pas? Mais ici, cette question de la jeunesse qui est si importante dans mes ouvrages, et en conséquence la question de l'immaturité, se présente d'une façon concrète dans ma vie personnelle, par exemple, d'une telle façon. Et moi, je considère que la jeunesse, c'est l'élément de la beauté dans l'univers, dans l'humanité. La jeunesse, c'est la phase ascendante de l'existence, la phase fleurissante, de sorte qu'il est absolument logique qu'un homme adulte et une nostalgie pour la jeunesse, une admiration qu'il soit fasciné. Mais il y a quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme moderne qui est privé d'un absolu, bien des fois, il est privé du Dieu, il se sent seul absolument. Alors, la chose maintenant, vraiment, l'unique élément, peut-être de la beauté qui lui reste ainsi au sein de l'humanité, c'est la jeunesse. Alors ici, cette chose m'apparaît d'une façon extrêmement dramatique, parce qu'en même temps, la jeunesse, c'est l'infériorité. Être jeune, c'est-à-dire être inférieur, être moins intelligent qu'on sera, être moins conscient, moins fort, c'est se développer. Le développement, il implique toujours l'infériorité, n'est-ce pas? Si on n'est pas inférieur, on ne peut pas avancer. Alors, je trouve que cette chose-là, dans l'humanité moderne, est extrêmement dramatique, que justement l'unique presque élément de la beauté qui nous reste, il est à la fois inférieur. C'est-à-dire que nous avons affaire à une beauté inférieure. Je trouve cela extrêmement important. Et j'ai formulé cela que la beauté est l'infériorité. Et j'ai formulé aussi que l'homme adulte est entre les dieux et les jeunes. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut être pleinement mûr, c'est-à-dire il veut être Dieu, et à la fois, il ne veut pas être mûr parce qu'il veut être jeune. C'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation contradictoire. Eh bien, cela, pour moi, c'est un fait absolument capital de notre culture, qui explique peut-être beaucoup de phénomènes et qui sont aujourd'hui quand même étranges et difficiles à comprendre, comme par exemple notre sentiment éternel d'infériorité envers la culture, notre malice, notre ruse envers toutes nos valeurs, etc. Une des choses qui peuvent nous rapprocher de ce qu'il pensait de la jeunesse, c'était... sa réaction négative, pour moi, complètement incompréhensible à mai 68. Parce qu'enfin, je veux dire, en mai 68, moi, j'étais absolument fou de bonheur, enthousiaste, j'adorais ça, etc. Et je me suis dit, bon, enfin, Gombrowicz, je dois aimer ça, ce n'est pas possible. D'ailleurs, enfin, bon, il y avait beaucoup de gens dans mai 68 qui, justement, étaient des lecteurs de Gombrowicz, aimaient ça, etc. Alors, Gombrowicz... Ah non, je déteste les jeunes qui font des discours. Les jeunes sont bons quand ils lancent des pierres. Réfléchissant sur ma vie en Argentine au cours de ces 25 dernières années, j'ai distingué sans difficulté une certaine architecture assez nettement dessinée et des symétries dignes d'attention. Ainsi pouvait-on dégager trois périodes de 8 années chacune. Première période, misère, bohème, insouciance, farniente. Seconde période, 7 années et demie passées dans une banque, vie d'employé. Troisième période, existence modeste mais indépendante, prestige littéraire croissant. Je pouvais également appréhender mon passé et en dégageant certains motifs conducteurs tels que santé, revenus, littérature, ou encore l'ordonner selon une idée différente, sous l'angle par exemple des problèmes, des thèmes de mon existence qui évoluaient lentement avec le temps. Mais, avec la cuillère percée de ces statistiques et diagrammes, comment puiser le potage de la vie ? Gombrowicz est l'un des passagers d'une croisière inaugurale, d'un bateau, et... Michel Bernard. La Nation, je crois, mentionne cette arrivée et indique dans un papier assez dithyrambique que nombre de personnalités sont là, parmi lesquelles Gombrowicz, dont évidemment aucun Argentin n'a jamais entendu parler. Et donc Gombrowicz arrive là, et quelques jours plus tard, la guerre est déclarée, il préfère rester sur place. Cet homme finalement qui n'a pas d'argent, qui est absolument inconnu, qui ne parle pas espagnol, ça paraît assez singulier qu'il veuille rester dans ce pays au bout du monde, véritablement. Il dit qu'il a le sentiment que la Deuxième Guerre mondiale n'a éclaté que pour que lui, Gombrowicz, devienne enfin Gombrowicz. Bon, c'est plus qu'une boutade, puisque c'est probablement l'état d'extrême isolement dans lequel il se trouve, qui lui permet en effet d'approfondir les premiers linéaments de son œuvre et d'en faire cette œuvre que l'on connaît, presque entièrement rédigée ou conçue en Argentine, à l'exception de la première version du mariage et de Ferdidurk, en fait. Si justement on s'intéresse un petit peu plus près au séjour, et d'abord à la première période de séjour en Argentine, mettons en gros de 39 à 47, il semble que ce qui la caractérise, c'est d'abord qu'il n'écrit pas, et ensuite, ou en même temps, qu'il vit en conformité avec ce que son œuvre lui a dicté. Il écrira d'ailleurs lui-même dans son journal « Je ne fais que reprendre la troisième partie de Ferdidurk, la tentative de Miantus de fraterniser avec le palefrenier ». Pourriez nous dire un petit peu donc comment s'est passé ce début de séjour, comment il vit, quel est son monde ? Alors il vivote plutôt qu'il ne vit. Il y a même cette anecdote célèbre où Gombrowicz mendie à la sortie des cimetières, chose formidable. Et à part cela, il aide de quelques amis, plutôt d'ailleurs de vagues relations que des amis dans un premier temps. Je suppose que c'est un homme qui vit avec le strict minimum, avec son café crème, l'argent dont il dispose n'étant finalement destiné qu'à s'acheter ses fameuses cigarettes. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que Gombrowicz sait pertinemment qu'il est asthmatique. Gombrowicz a un désir absolument forcené de faire une œuvre, quelque chose qui ne soit pas, sujet au temps qui passe, mais quelque chose de fondamental où il s'immerge tout entier. Et pourtant, on a le sentiment qu'il se détruit d'une manière absolument scientifique en fumant ses 4, 5, 6, 7 paquets de cigarettes par jour, les plus ignobles qu'ils soient. Du reste, chaque fois qu'on lui fait la remarque, mais pourquoi ne fumez-vous pas, je ne sais pas moi, des cigarettes plus légères ou des américaines? Non, pas du tout. Alors peut-être que cela peut avoir une relation avec, disons, la partie souterraine de sa vie, c'est-à-dire ses virées, je ne trouve pas d'autre mot, dans le fameux Retiro de Buenos Aires, où là, il se confronte avec les mauvais garçons, les beaux mauvais garçons. Mais ça, on ne va pas insister à ce sujet, puisque ces rencontres-là nourrissent entre les lignes, si je puis dire, le bon nombre de pages de son œuvre. Donc, dans un premier temps, pour récapituler, le Gombrowicz est une espèce de clochard, finalement, puisque il s'habille avec les fripes qu'on lui donne, il vit dans des chambres sans le moindre confort. C'est très difficile d'imaginer quelqu'un qui puisse, avec si peu de moyens financiers et économiques, arriver à se concentrer pour bâtir cette œuvre que nous connaissons aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a un véritable nouveau départ ou une espèce de renaissance, en particulier avec la liquidation de son passé. Moi, je dirais plutôt qu'il y a une naissance, parce qu'il insiste aussi beaucoup sur le fait que l'Argentine lui aurait été donnée par l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale comme une occasion de vivre enfin la jeunesse qu'il n'a pas vécue. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Deuxième chose, si on se souvient qu'en forme de boutade, à propos de ses années d'université, il disait, je cite à peu près, que il n'allait pas à l'université, il y envoyait son valet qui le remplaçait avantageusement. On a le sentiment que Gombrowicz, qui donc est ce hobereau qui a tout perdu, qui n'a plus rigoureusement rien, devient à la fois son valet et lui-même adolescent. Et il me semble que dans cette ambivalence, il y a tout Gombrowicz, en fait, qui est là. C'est un homme tout de même pour qui l'écriture était absolument essentielle, c'est certain. C'est peut-être un grand mot, mais je crois qu'enfin c'était vraiment une forme de salut pour lui, l'écriture. Et il n'écrit pas un mot pendant de 39 à 45, 6 ans. Il reste sans écrire 6 ans, c'est-à-dire que la vie qu'il mène alors lui paraît aussi intéressante que l'écriture. Est-ce qu'on ne peut pas même aller encore plus loin et dire qu'à ce moment-là, justement, s'il n'écrit pas, c'est parce qu'il vit en conformité avec ce que son œuvre lui a dicté? Absolument. Je crois que c'est... de ce que son œuvre, de ce qu'il a d'abord dicté à son œuvre aussi. Oui, il n'y en a pas. C'est toujours entre les deux, il l'a dit quand même. Entre les deux. Non, bien entendu, il s'est formé par son œuvre, et en Argentine, il s'est formé aussi par... par une espèce, enfin, ce qu'il appelle dans le mariage l'église interhumaine. Ces choses qui peuvent se passer entre les hommes. Rien ne peut se passer dans un homme, n'est-ce pas? Bon, je veux dire, c'est peut-être une injustice que je fais là à toutes sortes de traditions vénérables. Mais c'était la conviction de Gombrowicz, en tout cas. Et entre des hommes anonymes, il a fait cette espèce de gymnastique, d'entraînement, qu'il a mené au mariage, où il expose ça. La première chose qu'il écrit en Argentine, c'est le mariage. C'est le mariage. Qui n'est pas ma pièce préférée de Gombrowicz, ni son œuvre préférée, mais à laquelle lui, il attachait la plus grande importance de toute son œuvre, parce que c'était sa somme. La situation de Gombrowicz est un petit peu particulière, dans la mesure où c'est un auteur de théâtre, mais ce n'est pas que ça, évidemment. Il a écrit trois pièces que vous avez montées, Le Mariage, Yvonne Princesse de Bourgogne et Opérette, et en même temps, c'est quelqu'un qui se tient très loin du théâtre, puisqu'il avoue dans son journal ne jamais y aller. Il dit, ça fait 30 ans que je n'y suis pas allé. Il avoue même ne pas lire de pièces de théâtre en dehors de Shakespeare. Alors, quel effet ça fait pour un metteur en scène, pour un homme de théâtre, de monter un auteur si loin du théâtre, d'une certaine façon? Georges Lavelli. Oui, il était si loin par les goûts, je ne sais pas, mais il était très proche dans la pensée dramatique. Car Gombrowicz, effectivement, il avouait qu'il n'avait jamais vu des pièces de théâtre, sauf quelques pièces de Shakespeare. Et il est évident que son théâtre admet ce qualificatif de shakespearien, car il y a là-dedans, surtout dans les mariages, bien que aussi dans Yvonne, et même aussi dans l'opérette, il y a cette sorte de dérision des personnages shakespeariens, une structure d'ailleurs, une construction qui ressemble beaucoup à certaines pièces de Shakespeare, surtout à ces tragédies. Et puis, d'un autre côté, des indications très précises concernant le jeu, la mise en scène. Comment les recevez-vous? Oui, effectivement, il avait des idées très, très précises, enfin, sur le jeu des acteurs. Évidemment, il savait bien qu'il écrivait un théâtre qui était surtout un théâtre de situation, un théâtre de contraste et un théâtre de choc, où les personnages se définissaient par rapport aux situations créées par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre, ou par l'auteur en l'occurrence, n'est-ce pas? Qu'on était toujours au théâtre, et ça c'est presque une vérité immuable, c'est-à-dire que les personnages sont victimes de leur situation, est victime de la forme. Et ce thème de la forme qui est tellement cher à Gombrowicz, et je dirais bien développer, montrer parfois de manière presque didactique dans toutes ses pièces. Et dans cela, effectivement, il rejoint quelque part Shakespeare aussi, qui lui aussi avait le génie de créer des situations qui modifiaient les comportements des personnages. C'est pour ça que j'ai dit, Gombrowicz était un auteur qui n'aimait peut-être pas le théâtre, mais qui les ressentait d'une manière très forte et avec un style extrêmement particulier, n'est-ce pas ? Il avait aussi un souci très précis de la construction dramatique, de sorte que certaines pièces, par exemple les mariages, ont une organisation musicale du texte qui échappe de cette manière à un langage quotidien, je dirais ordinaire ou boulevardier, pour entrer dans une structure beaucoup plus intéressante, car elle ouvre des possibilités au niveau du jeu et au niveau de l'occupation de l'espace. Hein, chose qui, à moi, évidemment, m'intéressait très particulièrement. Mais je crois qu'il y a un côté outrancier chez Gombrowicz, c'est-à-dire qui pousse les personnages à des situations qui sont des situations limites, et qu'effectivement, cet effort fait qu'il y a un dépassement de soi, et il y a un dépassement aussi des moyens conventionnels du théâtre. Je parle au niveau de l'élocution, par exemple, l'utilisation du cri chez Gombrowicz était très très importante, donc il y a un dépassement des moyens qui fait que les personnages, très souvent, se rencontrent et se retrouvent dans des situations de choc. Argentine de Gombrowicz qui se tend, on peut dire, de 47 à 55. Là encore, donc, il trouve du travail et il se remet à écrire. J'ai l'impression qu'il y a là plus qu'une simple coïncidence. Oui, je pense que Gombrowicz a assez réfléchi, en quelque sorte, et que maintenant, les matériaux rassemblés dans sa tête sont suffisants pour qu'il puisse écrire. Mais il va écrire aussi avec une certaine difficulté. Pendant cette période, il suffit de se reporter à ce qu'il raconte, par exemple, de la composition de la pornographie, où il dit dans son journal « ça ne va pas du tout, cette écriture est trop raide », et on se rend compte que brusquement, alors que sa vie est devenue un peu plus facile, ça semble que ce soit plus difficile pour lui d'écrire. Bon, quant au travail donc qu'il est censé faire au Banco Polaco, il s'agit de rédiger les rapports que le président de la banque doit envoyer à la maison mère à Varsovie. Et il se tire admirablement bien de ce travail. Et ça, il faut reconnaître au directeur de la banque à Buenos Aires, qu'il a toujours soutenu, que finalement, ce travail semble être considéré comme une sorte de prolongement bizarre du travail bancaire. Et ça, j'aime beaucoup aussi ce genre de choses. Il y a une sorte d'humour, là, spécifiquement polonais, non seulement de la part de Witold, mais de la part aussi du patron. Gombrowicz c'est peut-être un des plus grands stylistes polonais de tous les temps. Et puis c'est quelqu'un qui avait une espèce d'oreille parfaite de la langue. Gombrowicz peut par exemple faire soudain des pastiches presque de la grande langue lyrique polonaise, n'est-ce pas, qui sont d'une beauté pour les Polonais à couper le souffle. Et puis tout de suite, il finit, il dit voilà, maintenant c'est terminé. Mon petit effet est terminé et je recommence dans ma langue, qui est enfin une langue qui fait passer beaucoup du non-dit aussi et beaucoup de choses refoulées. C'est une sorte d'anthologie du polonais. Dans deux ou trois cas, c'est vrai qu'il s'est toujours posé un modèle formel extérieur avant d'écrire un roman. Bon, Transatlantique, c'est absolument clair que c'est bâti sur le modèle de Pantadeusz, n'est-ce pas, la grande épopée de Mickiewicz. Moi, maintenant, à mon âge, je comprends que c'est un très grand poème. quand on me l'apprenait à l'école par force, je trouvais ça complètement dérisoire, ces histoires d'élevage, de campagnards, de bouffe, de petites amourettes. Si vous voulez, il y a deux grands chefs-d'œuvre qui sont complètement incompréhensibles, je crois, en traduction. C'est Pantadeusch, deux grands chefs-d'œuvre européens, Pantadeusch et aussi Evgeny Onegin de Pushkin. Mais Pantadeusch, c'est encore plus difficile. Et Transatlantique, il y a tous les 12 chants de Pantadeusch, ils sont. Tout y est. Chaque incident a son répondeur. Je veux dire, tout y est. Et c'est exactement le contraire. Le début de Pantadeusch, c'est une description absolument merveilleuse, comme vue d'avion. Il y a une plaine lituanienne vue d'avion. Et il décrit les champs, chose qui pour nous est très familière, parce que nous avons tous voyagé en avion, nous connaissons ces petits carrés. Mais non, lui, il le voyait avec un autre œil, avec un œil imaginaire, mais il le décrivait comme ça. Quand je lis ce premier passage, je me sens dans un avion au-dessus de la Lituanie. Ici, il y a l'avoine, ici, il y a le blé, ici, il y a le... je suis mauvais dans les... comment est-ce qu'on appelle ça déjà, les blés, enfin bon. Et Gombrowicz commence par une description de tous les gruaux qu'il mange. Et ces gruaux-là correspondent exactement au chant décrit par Mickiewicz. Alors vous voyez jusqu'où va la perversité. Pantadeusch transatlantique. Il y a les mêmes T. Le titre en polonais, c'est le titre transatlantique. Même là, il y a une allusion à Mickiewicz sonore. Ce qu'il dit, en fait, c'est que Mickiewicz voulait mettre un mort, comme on met le mort au chaud, aux jeunes, et les atteler dans une espèce de cause patriotique. Or, lui, il enlève ce mort aux jeunes, qu'il galope, qu'il s'en aille à ce passage magnifique de la nuit, quand il éveille, enfin il n'éveille pas, il est au-dessus du lit du jeune Polonais qui dort nu dans son lit, n'est-ce pas ? Il dit, voilà, va dans la nuit, dévergonde-toi, fais ce que tu veux, laisse tout ça. Voilà, c'est un anti-Pantadeusch. Non, le transatlantique n'a pas d'autre sujet que l'histoire qu'il raconte. Ce n'est qu'un conte, rien de plus. Ce n'est qu'un univers raconté et qui n'a quelque mérite que s'il s'avère amusant, coloré, nouveau et excitant pour l'esprit. C'est un quelque chose qui brille et scintille et qui miroite de significations diverses. Le transatlantique est un peu tout ce qu'on veut, une satire, une critique, un traité, un divertissement, une absurdité, un drame, mais n'est rien de tout cela exclusivement, n'étant rien que moi, ma vibration, mon expression, mon existence. Et avant même Transatlantique, c'est bien la traduction de Ferdidurk en espagnol qui a marqué le retour de Gombrowicz à l'activité littéraire, Michel Bernard. C'est quand même grâce à cette traduction qu'il va faire connaissance avec tous les jeunes gens qu'il aura marqués à jamais. Donc Gombrowicz décide de réunir une sorte de cohorte de très jeunes gens, enfin 18, 20 ans, 25 ans, passionnés de littérature, mais non avertis des choses de la littérature. Il les réunit au Café Rex, qui est un café où l'on jouait aux échecs, et il ouvre là, on peut dire cela comme ça, une espèce d'atelier de traduction, comme il y avait des ateliers de peinture à l'époque de la Renaissance. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'un personnage de la Renaissance chez Gombrowicz, c'est-à-dire le charisme d'abord, le côté animateur dévergondé comme ça, avec cette espèce de puissance et de fulgurance de la parole, l'admirable maniement des idées, et je dirais en même temps qu'il est renaissant à partir d'une espèce d'attitude à la Diogène. Je vois très bien Gombrowicz comme un Diogène, mais un Diogène encore plus pauvre, il n'a même pas de tonneau, lui. Et il est là, ce n'est pas un homme qu'il cherche, ce n'est pas la vérité, puisqu'il n'y a pas de vérité, nous le savons bien, mais il cherche comment mieux dire ce qui pour lui est l'essentiel, à savoir que c'est le bas qui attire le haut, que c'est l'immature qui fait la grâce de la vie, et également, chose non moins importante, que notre amour des œuvres d'art, qu'elles soient littéraires ou picturales, est un amour totalement faux, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui aimons les œuvres, ce ne sont pas davantage les œuvres qui nous aiment ou qui nous élisent naturellement, mais nous aimons entre les œuvres. Il considérait que la plus belle réussite de sa vie, c'était la manière d'être qu'il avait, si vous voulez, mise au point dans ses relations avec la jeunesse. Autrement dit, comment il avait résolu dans sa vie le problème avec l'infériorité. Alors, c'est pour ça que je suis allée là-bas d'abord, pour voir des amis, pour recueillir éventuellement la documentation pour mes archives, et j'ai vu à quel point tous ces jeunes, non seulement se souvenaient de lui, mais étaient marqués justement par son style. Vous savez, il imitait, on voyait qu'il n'était pas encore dégagé tout à fait de cette influence. Même pour certains, c'était une chose très douloureuse de se retrouver eux-mêmes. Et j'ai décidé de retourner pour systématiquement approfondir un petit peu ce problème avec ses disciples, ces jeunes. La troisième période commence en 1955 lorsqu'il quitte la banque polonaise. Ce sera peut-être un petit peu ce qu'on pourrait appeler la période classique en Argentine, une certaine maturité malgré tout, marquée par une activité littéraire beaucoup plus importante. Quelques exemples, la traduction en français de Ferdidour, qui paraîtra d'ailleurs en 58, publiée par Maurice Nadeau, le journal aussi, et surtout la pornographie, qui est l'œuvre, le roman, qui correspond à cette période. Gombrowicz se met à sortir de Buenos Aires. Jusque-là, il n'a guère évolué que dans un périmètre extraordinairement restreint. Deux ou trois cafés, deux ou trois pensions de famille où il a vécu, le Retiro, et c'est tout. Donc, disons, un périmètre de 1500 mètres, à peu de choses près. Et ensuite, quelques-uns des parents de ses jeunes amis vont lui fournir l'occasion d'aller à la campagne, si je puis dire, bien que ce soit, c'est-à-dire dans des régions plus montagneuses et dans les haciendas où il va pouvoir monter à cheval, chose qu'il faisait fort bien. Et à ce moment-là, il y a une espèce d'animalité qui va renaître. Moi, il me semble que le rapport qu'il y a, qui est très bien mis en valeur dans le journal, entre toutes ces petites amoureuses, ces petites jeunes filles superbes, insolentes et cambrées, qui montent admirablement à cheval, et le Gombrowicz qui leur fait des mines derrière le dos des parents et qui monte non moins bien à cheval, il y a une espèce d'échange comme ça, de flirt léger, comme il disait, par l'intermédiaire de l'animal, que l'on peut retrouver de manière imagée différemment dans la pornographie. Bon, comme l'on sait, deux messieurs vont convaincre un couple d'adolescents de commettre un crime. Voilà. Et là, c'est évidemment le... Mais on ne peut jamais dire non plus, il faut être très prudent, qu'il y a une espèce de volonté démonstrative chez Gombrowicz. Gombrowicz est un homme infiniment plus fin, plus malin même. Et c'est plutôt après coup, tant la construction est rigoureuse, que l'on se dit, ah mais tiens, il y a une espèce de morale après tout, là-dedans. Et l'on voit bien que la manière dont ces deux personnages adultes observent d'une manière quasiment entomologiste ces adolescents immatures, donc, mais qui seront capables, sans déchoir, de commettre cet acte odieux, et sans pour autant sombrer dans la maturité, chose tout à fait extravagante, on voit bien comme ceci sous-tend cette fameuse morale de Gombrowicz. Car on ne peut pas dire que Gombrowicz soit immoral ou amoral. Simplement, Gombrowicz se méfie de ce qui, selon lui, fait probablement est l'une des causes du désastre européen, c'est-à-dire que on veut à tout prix normatiser les idées, et ce faisant, tout ce qui n'est pas dans le droit fil de l'idée, tout ce qui ne répond pas aux divers paramètres de l'idée, évidemment, ça devient odieux, à supprimer, et on aboutit à toutes les déviations et à tous les excès. La langueur, la beauté de cette forme élancée que nous avions sous les yeux, d'où venait-elle, sinon du fait qu'il n'était pas un homme? Car nous lui avions amené Enya comme on amène une femme à un homme, mais lui n'en était pas un encore. Il n'était pas un mâle, et donc pas un seigneur, pas un maître, et il ne pouvait posséder. Rien ne pouvait lui appartenir, il n'avait droit à rien, il était encore celui qui doit servir, obéir. Sa fragilité, sa flexibilité s'accentuèrent encore dans cette cour de ferme, parmi les planches et les perches, et elle, Enya, lui répondit de même, par la fragilité et la flexibilité. Ils s'unirent brusquement, non pas comme un homme et une femme, mais autrement, dans une offrande commune à un Moloch inconnu, incapable de se posséder, capable seulement de s'offrir. Et l'accord sexuel qu'il y avait entre eux s'estompa, pour céder la place à un autre accord, à quelque chose de plus cruel sans doute, mais de plus beau. Tout cela ne dura que quelques secondes. Il ne se passa rien d'ailleurs. Nous nous tenions tous quatre comme figés. Frédéric dit, en désignant du doigt à Carole le pantalon un peu trop long du garçon qui traînait par terre, « Dites donc, il faudrait retrousser les jambes. »« C'est vrai, » dit Carole. Il se pencha. Frédéric dit, « Une seconde. » Visiblement, ce qu'il avait à dire ne venait pas tout seul. Il se détourna un peu pour ne pas leur faire face et, regardant droit devant lui, d'une voix enrouée mais distincte, dit « Non, attendez, elle peut le faire, elle. » Il répéta « Elle peut le faire, elle. » L'impudeur de cette exigence, c'était comme de pénétrer en eux par effraction, recelait l'aveu. « C'est cette excitation que j'attends de vous, faites-le, c'est ce que je veux, ce que je désire. » Il les introduisait ainsi dans la dimension de notre désir, du désir que nous avions d'eux. L'espace d'une seconde, leur silence en frémit. Ce qui suivit fut à ce point simple et facile, oui, facile, que la tête m'en tourna comme si un abîme s'ouvrait brusquement sous mes pas. Elle ne dit rien, mais s'étant penchée jusqu'à terre, elle releva les jambes du pantalon. Lui n'avait même pas bougé, le silence de leur corps était absolu. Toujours en pensant donc à la pornographie, au passage, quitte à faire perdre quelques lecteurs, tant pis à Gombrowicz, il faut quand même dire que ce livre n'a rien, mais vraiment rien, non, rien de pornographique. Hein? Oui, j'aurais dû le dire. Bon, je peux même dire que dans toute l'œuvre de Gombrowicz, donc traversée de part en part par la sexualité, il n'y a pas le moindre coït, il n'y a pas la moindre scène érotique au sens propre du terme, et j'ai l'impression que ce qu'il préoccupe avant tout, c'est le désir. Et d'ailleurs, il dit dans la pornographie, à propos d'autre chose, mais je crois que ça pourrait se dire à propos de la sexualité, que c'est pas la réalisation qui l'intéresse. Ce fameux rapport à la sexualité, il n'est pas trouble, c'est ça qui est étrange, c'est que on a le sentiment que Gombrowicz est une espèce de pervers honnête. Je ne sais pas si ces mots vont bien ensemble. On peut pas dire qu'il se cache d'être homosexuel quand il est homosexuel, mais il n'éprouve pas non plus le besoin de le montrer. Bon, ce n'est pas par le pudeur proustienne vis-à-vis de sa maman ou par honte vis-à-vis des conséquences. De toute manière, l'environnement pour Gombrowicz, alors ça, il s'en moque tout à fait royalement. Mais on a le sentiment, enfin moi du moins, j'ai le sentiment que tout ce qui est sexuel ou directement ou indirectement même lié à la sexualité, il essaie, et il réussit, il essaie de l'exprimer sans connotation, si je puis dire, qui pourrait à la fois prêter le flanc à la critique et être susceptible d'analyse critique. C'est-à-dire que c'est véritablement un flux, un jaillissement. Et on voit très très bien que le Witold et son alter ego ne sont pas capables de diriger cela. Son érotisme, si vous voulez... Constantin Jelensky. C'est vrai qu'il est assez misogyne. Hein? Il est même très misogyne. Il est même très misogyne. Mais sa misogynie n'est pas totale. Je crois que ce qu'il reproche aux femmes, ce qui ne l'attire pas, voilà, ce qui ne l'attire pas chez les femmes, c'est le côté femme accomplie bourgeoise, voilà. Je crois qu'il a un modèle de femme. Le modèle de femme pour lui, c'est la bourgeoise. Voilà. Et il trouve la bourgeoise moins attrayante que le bourgeois, puisque en plus de la bêtise et de la fausse efficacité du bourgeois, il y a la séduction. Alors qu'il est, par contre, très ouvert aux amours ancillaires. L'attrait des cuisinières, l'attrait des servantes rencontrées dans les... Si vous voulez, il y a... L'érotisme de Gombrowicz est très populiste. C'était trop vieux jeu, cette notion de misogynie, pour être de Gombrowicz, je dirais. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il avait peur des femmes, ou plus précisément, il avait peur de toute forme de sentiment. Alors, par conséquent, du sentiment des femmes. Mais, par exemple, il avait aussi peur du sentiment de la patrie, par exemple, le nationalisme. Il voulait toujours prendre ses distances à l'égard des sentiments. Alors, dans ce sens-là, ce n'était pas exactement de la misogynie, mais c'était autre chose. Moi, j'ai quitté Pologne en 1939. Après, j'ai passé 23 ans en Argentine et je suis arrivé ici à Vence à cause de ma santé qui n'est pas trop bonne. Si vous dites que je suis exilé, évidemment que oui, parce que je ne veux pas revenir maintenant à cause du régime communiste en Pologne, mais aussi dans un sens spirituel. C'est-à-dire que je suis un écrivain, je veux, en tout cas, être un écrivain universel et dépasser ma situation particulière de Polonais. Même je ne voudrais pas être un écrivain européen seulement, de sorte que je plante toujours des problèmes universels. Et d'autre part, ma philosophie est de dépasser la nation. Je suis dans un certain sens un antipatriote. J'exige que les Polonais, au moins l'élite culturelle de Pologne, adapte une certaine distance envers Pologne, qu'il ne s'identifie pas trop avec les Polonais. Enfin, dans un mot, j'exige qu'un Polonais soit un homme et non un Polonais. Dans ce sens-là, naturellement, je suis un exilé un peu partout, parce que je ne suis jamais identifié avec la nation, les cultures, disons, particulières, mais plutôt je suis tendu vers une culture universelle. Évidemment, un artiste doit être en même temps très lié avec son pays et sa culture héréditaire et en même temps très universel. Chopin, par exemple, il avait cette particularité qu'en même temps, sa musique était extrêmement polonaise et extrêmement universelle. De sorte que moi, je crois que chaque bonne littérature doit être à la fois extrêmement liée avec son terrain, comment dirais-je, natif, je crois, on pourrait dire ainsi, et en même temps extrêmement universelle. D'autant plus que la littérature est toujours une antinomie, elle doit être toujours opérée par contraste. De sorte que ce sont ces contrastes-là qui définissent ma position. Moi, je suis très polonais dans ma littérature, mais sans ma volonté, sans les vouloir. Le fait même que je suis polonais, que je suis né en Pologne, etc., me lie absolument avec ce pays-là. Mais je n'ai fait aucun effort pour être polonais. Je veux être un homme moderne, tout simplement. Severo Sardoui. J'arrivais de Cuba. J'avais choisi, je n'aime pas beaucoup ce mot, j'aime pas cette consonance en X, j'avais choisi l'exil. C'est-à-dire, j'avais décidé tout simplement de rester en France. Je ne savais pas si pour toujours, mais de rester en bon temps. J'ai connu Gombrowicz à Royaumont. Et la première chose que je lui ai dit, était ceci. Je suis cubain, je sors pour la première fois de mon pays, et j'ai vu la neige pour la première fois à 23 ans, et je me trouve à Paris, ma langue n'est pas le français, c'est une langue que je n'arriverai jamais à aimer assez pour écrire en français, et je me sens absolument perdu car je voudrais être écrivain. Alors il m'a bien regardé comme ça, et il m'a dit, mira, nene, il m'appelait nene pour bien marquer mon immaturité d'alors, concept capital chez Gombrowicz, mon immaturité, il m'appelait nene, mira, nene, que penserais-tu d'un polonais à Buenos Aires? C'est-à-dire, un polonais à Buenos Aires représente le comble du décalage, le comble de l'exil, le comble de la négativité. Et ces mots et les mots clés, les prodiges, les génies, les miracles de Witold Gombrowicz est celui-ci. Transformer en positivité tout ce qui est négativité. Dans sa vie et même dans son œuvre, dans tout ce qu'il a vécu, tout, absolument tout, était négatif. Tout était contre lui. Il était en polonais, il était à Buenos Aires. Il ne faisait pas partie du tout, sauf une exception qu'il faut tout de même signaler, de l'intelligence de Buenos Aires, sauf l'exception qu'il faut signaler, car elle est importante, de sa relation continue, affectueuse et tout à fait complice avec Ernesto Sabato. Et peut-être il y a aussi quelques poètes qui le connaissaient, mais enfin, sauf cette exception, il était absolument en décalage, en situation de négativité totale. Et de ça, il a fait l'œuvre la plus positive, je veux dire, celle qui a la force la plus grande, l'impact le plus grand, la radicalité, la subversion la plus grande du siècle. Witold donc transformait cette espèce d'alchimie, tout ce qui était contre lui, en événement pour lui. Je pense que la métaphore est valable dans ce cas-là aussi, car même l'inactivité... On peut dire que Gombrowicz affiché à Buenos Aires était aussi fausse et était aussi négatif. Même cette inactivité a été pour son œuvre. Witold Gombrowicz est un homme qui a aussi arrêté la littérature, je veux dire la performance littéraire, pour jouer aux échecs. Mais on n'arrête pas une activité, on ne crée pas en silence, on ne joue pas aux échecs dans ce sens-là, sans créer par la même un énorme tourbillon autour de soi. Witold était en effet un clown, je ne vois aucune autre définition, un clown de mots, mais simplement cette clownerie, et cette espèce de mouvement de saltimbanque qu'il pratiquait, c'était autour de concepts qui étaient tout de même des concepts métaphysiques. C'est pour ça que sa clownerie allait finalement tellement loin que je ne l'abornerai même pas à la métaphysique occidentale, mais plusieurs fois dans ce genre de boutades, de choter au sens de l'humour qu'il pratiquait, j'ai vu une espèce de mirage, de miroitement, d'épiphanie, oui, je vais le dire, du bouddhisme. Il était capable de vous dire, lorsqu'on arrivait chez lui, « Miranène, je suis absolument tourmenté aujourd'hui, je n'en peux plus. Tourmenté, mais pourquoi? Par l'asthme? Non, ce n'est pas l'asthme. Je suis tourmenté par l'idée d'avoir 10 doigts au lieu de 10 000. » Des choses de cet ordre. Ou sinon, à cause d'un malentendu, en espagnol, on parlait évidemment en espagnol, et il m'est d'ailleurs très difficile d'évoquer sa personnalité en français. On parlait en espagnol et à cause d'un malentendu autour du mot « mediodía », j'ai dit que je venais à le mediodía, il a compris que c'était à midi, pour moi c'était l'après-midi, il était absolument désespéré quand je suis arrivé, il a dit « mon désespoir est tellement grand » que pour trouver du calme, je me suis mis à remplir mes impôts. Marcelin Plenet. Ce qui m'apparaît aujourd'hui de la modernité de Gombrowicz l'associe contrairement à ce que dit Rita Gombrowicz dans sa préface à son Gombrowicz en Argentine, qui est, me semble-t-il, un livre absolument essentiel si on veut comprendre Gombrowicz, contrairement à ce qu'elle dit, l'associe à Joyce et l'associe à tous les grands exilés, qui ont entretenu eux aussi un rapport très curieux avec la langue. Je dirais que de Joyce à Pound, et en reprenant même Thomas Mann, aujourd'hui Solzhenitsyn, Kundera, Gombrowicz participe d'une modernité qui était peut-être insoupçonnable il y a 30 ou 40 ans, qui est une modernité de l'auteur qui ne s'assimile pas à aucune des normes que lui propose cette société. Donc cet effet de modernité est incontestable et on le perçoit aujourd'hui comme jamais. Et il est bien évident que cela vieillit énormément toute une littérature, et je dirais même toute une littérature qui est déjà dessinée, qui est déjà définie dans Ferdi Dörck, toute une littérature moderne, toute une littérature poétique, qui est une littérature de la complaisance dans l'exil intérieur, et qui est une littérature désormais provinciale. On a l'impression qu'un écrivain qui n'est pas capable de manifester explicitement l'exil dans lequel il vit par rapport à sa langue, par rapport au code normatif dans lequel il se trouve et dans lequel on l'enferme, et par rapport à toutes les formes de concentrationnarisation, eh bien, est désormais un écrivain provincial, même si, entre guillemets, il a des caractères modernes, même si, entre guillemets, il a des caractères de poésie moderne ou de roman moderne. Et je crois que si on veut toucher la modernité de Gombrowicz, eh bien, c'est là où il faut la toucher. Et ça n'est pas par hasard si Kundera, aujourd'hui, revendique son admiration pour Gombrowicz. Je crois que là, on tient un des effets de modernité et un des effets de modernité par rapport à la langue. Qu'est-ce que manifeste un écrivain ? Qu'est-ce que manifeste un écrivain qui s'exile et qui va parler dans une autre langue et même au besoin écrire dans une autre langue ? Eh bien, il manifeste d'abord, n'est-ce pas ? Il manifeste d'abord que sa langue, comme le dit Gombrowicz lui-même, n'est-ce pas ? Il est polonais, mais sa langue, c'est du Gombrowicz, n'est-ce pas ? Même lorsqu'il écrit polonais, il n'écrit pas du polonais, il écrit du Gombrowicz en polonais, sa langue c'est du Gombrowicz, et partout où il va se trouver, il va être l'auteur de cette langue. 1968, un an avant la mort de Gombrowicz, interview accordée à Die Zeit. Je suis devenu un Gombrowicz déformé et défini par mon œuvre. Je suis l'esclave de ce Gombrowicz, un produit clos. Aussi je pense à de nouvelles formes de banqueroute et de défaite, afin de détruire ce que j'ai accompli. Mais trouverai-je encore la force et la persévérance nécessaires ? Je suis mi-produit fini, mi-bombe à retardement. Mmh. Rita Gombrowicz. Quand il a lu La mort et la boussole, il m'a dit que c'était un grand conte. C'était un conte magnifique. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé, est-ce qu'il existe des œuvres en dehors des tiennes que tu aimerais signer? Et il m'a répondu, la mort et la boussole. Et les autres œuvres qu'il aurait aimé signer, c'était les 40 premières pages de L'être et le néant, c'était La mort à Venise de Thomas Mann, et c'était Pickwick Papers de Dickens qu'il adorait. Et même, nous avons vécu sous l'influence de cette œuvre pendant une année ou deux. On faisait des petites promenades en voiture autour de Vence et on disait qu'on faisait comme Pickwick autour de Londres, etc. Ce n'était pas un homme de bibliothèque. Par exemple, on ne pouvait absolument pas l'imaginer dans une librairie. Il n'allait jamais acheter des livres. Une seule fois, à Vence, il est venu avec moi, d'ailleurs c'était à Nice, à la librairie de la Sorbonne, et je l'ai vu s'en aller vers les livres de poche. Il aimait beaucoup les livres de poche et il a choisi plusieurs petits livres sur la science. Parce que comme il s'attaquait à la science, alors il voulait justement s'informer. Je me souviens d'un livre sur la cybernétique et la société, un autre sur le cerveau et la conscience. Il y avait aussi les théories d'Einstein, des livres sur la cellule aussi, des livres comme ça. Et puis il avait acheté cette fois aussi la Divine Comédie. Mais par exemple, pendant les premiers 6 mois, comme nous ne savions pas si nous resterions, comme il pensait sans doute de retourner en Argentine, alors il m'a demandé d'aller m'abonner à la bibliothèque municipale. Et alors, alors on a vu défiler toutes sortes de livres un peu bizarres. Mais avant, on lui envoyait des livres beaucoup. Par exemple, ses amis, Maria et Bogdan Paczkowski, lui envoyaient des livres en polonais. Il a relu alors tout Shakespeare en polonais. Je me souviens qu'il n'aimait pas du tout Roméo et Juliette et voulait attaquer cette œuvre. Comme il n'aimait pas tous les grands couples, vous savez, de Tristan et Isolde, celui qu'il détestait le plus, c'était Aragon et Elsa. Et je me souviens aussi de ces couples, soi-disant, avec l'amour éternel, etc. Et quand Aragon et Elsa sont passés à la télévision, qu'Aragon a commencé à réciter des poèmes à Elsa, Gombrowicz, indigné, s'est levé et a quitté la pièce où était la télévision. Quand il a terminé les entretiens, donc c'était, je crois, en 68... Avec Dominique Deroux. Oui. Avec des entretiens, naturellement, avec Dominique Deroux, il s'est senti tout à coup comme en vacances. Et il a dit, avant d'écrire ma dernière œuvre, je vais me consacrer à deux choses, c'est-à-dire à la généalogie, qui était une de ses marottes, et à la géographie, chose étonnante. Il s'est acheté un atlas géographique, et il a commencé à étudier, vous savez, toutes les distances entre chaque pays, à dessiner les contours de chaque pays, des frontières, comme ça. Et avec la généalogie, bon, il faisait des tableaux à l'infini. Mais cette dernière œuvre qu'il voulait écrire, ça c'est important, il disait qu'il voulait mettre sur scène, ça serait une œuvre, une pièce de théâtre, il voulait mettre sur scène une mouche et un homme. Et une mouche qui serait dans la douleur absolue et cet homme confronté à la douleur. En somme, le sujet de cette pièce serait de la douleur. Et en relisant dernièrement Ferdidour, j'ai retrouvé cette mouche. C'est très impressionnant et sans doute c'était ce thème déjà courait dans Ferdidour. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand le héros met une fleur, jette une rose ou une fleur dans les sandales pleines de sueur de la lycéenne pour essayer de la prendre en faute, mais elle assimile ça parfaitement. Alors il décide de mettre une mouche. Alors il attrape une mouche, il lui arrache les ailes, il les pattes et il en a fait une petite boule douloureuse, effrayante. Il a dit, je crois, une boule métaphysique et tragique, et il a ajouté cette boule de douleur dans la sandale de la lycéenne. Et sans doute, c'était cette idée. Que faire devant la douleur? Futur antérieur, Witold Gombrowicz, avec Michel Bernard, Rita Gombrowicz, Constantin Jelenski, Georges Lavelli, Marcelin Plenet, Severo Sardoui et Witold Gombrowicz. Les textes de Gombrowicz étaient lus par Marcelin Plenet. Les livres de Gombrowicz ont été publiés en un premier temps par Maurice Nadeau. Parmi les publications et rééditions récentes, signalons le très beau Souvenir de Pologne chez Bourgois et l'important Gombrowicz en Argentine de Rita Gombrowicz et de Noël. Le mariage sera présenté en mai au théâtre de Chaillot. Musique, 6e quatuor de Beethoven et Tango Rio de la Plata. Nous remercions Lina pour les documents Vitold Gombrowicz, ainsi que Marie-Pierre Gallet et Anne Sala de la librairie Autrement dit pour leur aide dans la recherche bibliographique. Nuit magnétique, Georges Arrigoni, Jean-Richard Dufour, Nicole Dalmar, Pamela Dousseau, Didier Cahen, bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 mars 1984. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Watching TV, I feel like a life replay. Paralyzed by the fear I stay. I call a friend, expect a magic spell. I need some love, but don't know how to tell. Watch me in my fall, in my fall. Gravity takes control, takes control. You stop me in the middle of a fall, in the middle of a fall, in the middle of a fall. You stop me in the middle of a fall, in the middle.